là ce n'est pas pour une histoire, ni pour faire pleurer, encore moins pour me rebeller. Simplement il y a des fois où la joie veut s'exprimer, inspirer ma foi, je lui ai laissé cette liberté. La chance qui me sourit, il n'y a pas que le soleil qui m'éclaire, mais il y a aussi parti un tremblement de terre dans ma tête, dans mon cœur, des concerts au corps à corps, dans ma chair qui frissonne devant son sourire en or. Et je contrôle plus mes mots et ses paroles, je les dévore. Justement ma parole, m'aurais-tu jeté un sort? La dernière fois que je connus ça, je finis dans de beaux draps, mais j'avoue qu'avec toi, je recommencerai bien cela. Je siffle à tout bout de champ, la tête.